préférez qu'on se mette comment? Qu'on puisse passer derrière vous, voilà. C'est moi ou il fait chaud ici? Ouais, il fait chaud, ouais. Hey, oh, hey.